Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la contre-culture et le mouvement hippie des années 60 et 70. De beatnik, je suis passé à hippie. En connaissant des hippies, je trouve que sont moins existentialistes. Les hippies sont beaucoup plus positifs dans le sens qu'ils ne sont pas tout simplement rebelles au reste de la société, ils ne rejettent pas tout pour rien. Ils veulent l'amour, ils veulent quelque chose de positif. Une jeune fille de Québec qui explique ce qui l'attire dans la culture hippie à l'émission Présent en juillet 1967. La culture hippie, cette culture qui veut l'amour et quelque chose de positif, dit la jeune fille, cette culture marquera profondément la jeunesse occidentale des années 60 et 70, qui deviendra de fait la génération du peace and love et du flower power, cette génération qui fera l'amour et pas la guerre en parcourant le monde en autostop de San Francisco à Katmandou en passant par Amsterdam ou Istanbul. Bon, on se faisait traiter de pelleteux de nuages, puis de porteurs de couvertes, puis de, je sais pas, ta robe en terre cuite, puis les sabots, puis il y avait le côté folklorique qui avait pas de bon sens à côté. Puis oui, on avait tout ça, mais en arrière de ça, c'est-à-dire, ça se peut pas qu'on soit juste ça. Réinventer le quotidien, l'éternité de chaque instant. La chanteuse Marie-Claire Séguin, sur une chanson de son frère, Richard Séguin, extrait du documentaire « Les enfants du siècle fou » diffusé à l'émission « Les beaux dimanches » en 1997. Comment résumer cette génération du peace and love et ce mouvement hippie des années 60 et 70? Comment mesurer l'importance qu'a eu le mouvement hippie? J'en parle avec Jean-Philippe Warren, professeur de sociologie et d'anthropologie à l'Université Concordia de Montréal, co-auteur du livre « Pratiques et discours de la contre-culture au Québec ». Jean-Philippe Warren, bonjour. Bonjour. Vous dites, Jean-Philippe Warren, pour parler de cette période de la contre-culture hippie, qu'elle a eu un impact aussi important au Québec que la Révolution tranquille. Les deux périodes se chevauchent d'ailleurs. En quoi cette culture a été aussi importante ici? La première révolution qu'on a connue au Québec dans les années 60, c'est la Révolution tranquille, où là, vraiment, on s'attaquait à une réforme institutionnelle et politique des grandes organisations sociales. Il y avait une question de rattraper le reste de l'Amérique, de se mettre à l'heure américaine, comme le disait le frère Untel. Alors que avec la révolution contre-culturelle, on a l'impression que le Québec dépassait cette Amérique, allait plus loin dans l'expérimentation et ça devenait un endroit de bouillonnement extraordinaire. Si la génération des boomers arrive aussi de façon aussi massive au Québec dans les années 60, elle va entraîner avec elle toute une série de remises en question qui vont laisser ou disons épargner davantage le reste du continent. Ça, c'est intéressant parce qu'au fond, effectivement, la Révolution tranquille nous amène à l'heure nord-américaine, mais dans ce qui vient du Sud, dans ce qui vient des États-Unis, la contre-culture hippie, ça part des États-Unis. Là, on va même surpasser le maître. L'élève va surpasser le maître. Il y a des observateurs de la scène québécoise qui vont dire que le peuple québécois est tout entier devenu un peuple de hippies. Ouais. Et on va avoir l'impression qu'ici, on remet en cause, on critique, on proteste davantage que dans le Canada anglais ou davantage qu'aux États-Unis, même si les racines de la contre-culture remontent à Greenwich Village, puis un peu avant ça, à San Francisco, que plusieurs de ceux qui ont animé, qui ont embrassé, qui ont incarné la contre-culture au Québec, ont fait leur pèlerinage dans ces grandes villes américaines. Parce qu'il y a un intérêt, je pense à une revue comme la revue Mainmise, quand on parle de cette contre-culture hippie au Québec, bien sûr que on s'intéresse et on se tourne vers les origines, vers là d'où ça vient. Ça se passe, c'est la musique rock, c'est l'anglophonie, c'est les auteurs américains. Ça commence sur la côte ouest, autour de San Francisco et à Greenwich Village. Un peu après, oui, exactement. Ouais. Donc, mais vraiment, c'est San Francisco qui est la mecque de la contre-culture. Ça commence quand, Jean-Philippe Warren? Au tout début des années 60. Ouais. Bon, s'il faut absolument donner une date, on dirait 1963. Et ça va vibrer là, de ses dernières cordes, ça va brûler de ses derniers feux à la fin des années 60, ce qui fait que non seulement la contre-culture américaine commence avant la contre-culture québécoise, mais qu'elle va s'éteindre aussi avant elle, et que c'est avec nostalgie que plusieurs hippies québécois vont regarder là, du côté de l'Amérique du début des années 60. Parce que vous la situez, pour ce qui est du Québec, de 67, l'expo, évidemment, de 67 à 78, à peu près. Bon, évidemment, les frontières chronologiques sont arbitraires. Il y a une question de marge là-dedans. On ne peut pas vraiment fixer le début de la contre-culture à une année précise, mais disons que l'expo, ça a été une sorte de Big Bang extraordinaire. Ouais. C'est là qu'a été joué, par exemple, la première fois Sgt. Pepper's des Beatles en Amérique du Nord, et on écoute ce disque-là en boucle, et on découvre donc les rythmes psychédéliques de la musique qui a été influencée par les Beatles à travers leur séjour en Inde. Et donc, l'Expo 67 va être vu rétrospectivement comme ce moment où le vieux fond canadien-français de la culture québécoise a été ébranlé pour de bon. En vous écoutant, on découvre déjà certaines caractéristiques de cette contre-culture, et puis évidemment la place de la musique, cette espèce d'intérêt aussi. On pourrait y revenir, mais il y a une spiritualité, cet intérêt pour l'Orient fait partie aussi de cette contre-culture-là. Sur le plan des valeurs, Jean-Philippe Warren, comment on peut la définir, cette contre-culture, et puis? C'est très difficile à définir de manière, on va dire, rigoureuse et précise, parce qu'elle incorpore des choses qui apparaissent comme des contradictions. C'est une contre-culture qui va se passionner, par exemple, pour la spiritualité, mais en même temps va promouvoir un hédonisme assez matérialiste. C'est une contre-culture qui va insister sur l'individu, sur le moi, sur la découverte de ses plaisirs personnels, et puis en même temps va faire la promotion d'un communautarisme avec les expérimentations qui vont mener aux communes. En même temps, on célèbre l'artisanat, puis de l'autre côté, on se passionne pour la science-fiction. Donc, c'est vraiment une volonté de remettre en cause l'ensemble des idées reçues de la société, des principes moraux sur lesquels reposait la civilisation occidentale, afin de faire en sorte que les gens se retrouvent dans des relations interpersonnelles plus directes, plus franches, plus transparent. S'attaquer à l'ordre établi, ça c'est assez clair, hein? S'opposer à résister, peut-être de manière passive d'ailleurs, faudra y revenir, mais résister à cet ordre établi. Est-ce que pour autant, il y a dans ce mouvement hippie une forme de résistance à la modernité comme telle, à la technologie? On écoute l'écrivain suisse Denis de Rougemont, qui est directeur à l'époque du Centre européen de la culture à l'émission Présent en septembre 1969. Je pense que quant à moi, que la révolte des hippies, par exemple, pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie, est une défense des valeurs d'âme contre le monde technique, le monde soumis aux seules valeurs du profit industriel. Je pense qu'ils ne le savent pas, mais que dans leur volonté de changer complètement de plan, de sortir de tout cela, d'aller recréer des communautés dans la forêt, il y a une violente protestation contre ce qui exténue les valeurs animiques, c'est-à-dire tout le monde rationnel de la production technique, tout le monde électronique, si vous voulez, qui aboutit à l'extinction des valeurs animiques, des valeurs de passion, des valeurs féminines, des valeurs de création, dans tous les ordres de la littérature. Y a-t-il, Jean-Philippe Warren, chez les hippies, une forme de conservatisme au sens très large, une forme de traditionnalisme qui s'oppose à la modernité, à la technologie? C'est ce qui est pour nous contemporains le plus frappant. On les appelait d'ailleurs les granolas, hein, dans cette volonté de retrouver des choses plus naturelles, plus authentiques, de fonder des communes où vraiment les valeurs de l'ancien temps, qui n'étaient pas corrompues par la modernité, pourraient enfin retrouver leur fraîcheur. Mais on oublie, ceci dit, les liens souterrains qui unissent la contre-culture avec des projections futuristes. C'est pas pour rien qu'il y a très peu de kilomètres qui séparent Silicon Valley de San Francisco. Il y a cette idée qu'on veut aussi à travers les ordinateurs. Il y a beaucoup de gens qui se passionnent pour les ordinateurs à ce moment-là, qui font partie de la contre-culture à travers les ordinateurs et les nouveaux modes de communication. On pourrait arriver à brancher la personne humaine, non seulement sur tous les autres, mais également sur l'univers. Et donc, il y a une anticipation nébuleuse, approximative, mais une anticipation quand même de ce qui va devenir l'Internet. Et beaucoup des gens, d'ailleurs, qui étaient dans la contre-culture, vont se retrouver à fonder des compagnies comme Apple et j'en passe. Intéressant. Jusqu'où cela dit, ça c'est une autre grande question. Jusqu'où, c'est les années 60, c'est le Vietnam. Il y a plein de mouvements, de protestations, de manifestations très politisées. La question des droits civiques pour les Noirs aux États-Unis. Alors, dans quelle mesure cette contre-culture hippie participe de ce mouvement plus de revendication vraiment politique, sociale des années 60? C'est l'amour, ben on pense rien qu'à ça. La nature, les fleurs, tu sais. L'amour libre, tu sais. La drogue, tout ce que... C'est calme, tu sais. Tu te reposes, t'as pas de trouble, tu sais. Tant au point de vue moral que finance, tu sais. T'as rien de ça, tu sais. Tu fais pas partie du monde, t'es fier, tu sais. Tu déranges pas personne, d'abord, tu sais. T'étais un bonhomme pacifiste, tu sais. Quand t'étais impise, tu peux être sûr de ça que t'es pacifiste, tu sais. Le trouble, on aime pas ça. La plupart des impises que je connais, moi, quand ils voient du trouble, ils s'en aillent, ils ont peur. Pauvre jeunesse, tu t'es endormi avec ton astidache et puis ta marée. Ton peace and love, moi je l'ai au cul. Ton LSD et puis toi par-dessus. Pauvre jeunesse, tu t'es endormi avec ton astidache et puis ta marée. Bâtir un pays, ça se fait debout, pas avec des fleurs et des I love you. Le témoignage d'un jeune hippie qu'on entendait à l'émission Aujourd'hui en juin 1968, suivi de la chanson Pauvre jeunesse de Tex Lecor. On va revenir, Jean-Philippe Warren, dans un instant sur cette grande question, la question de fond. Est-ce que c'est un mouvement qui est essentiellement individuel, moins collectif, moins branché sur tout ce mouvement de contestation politique et sociale dans les années 60, le mouvement hippie? Mais d'abord, un mot, c'est trop succulent sur la chanson, sur Tex Lecor. Manifestement, il n'a pas en très haute estime les hippies. Comment ils sont perçus, ces hippies, à l'époque? Ceux qui pour faire suite à ce que ce jeune nous disait, ceux qui décident de vivre un peu en marge de la société, de se retirer. Exactement, et de ne pas participer au grand mouvement de contestation qui sont en train d'agiter la société québécoise. Ça fait un bel écho à la chanson de Robert Charlebois sur des paroles de Pierre Bourgault, on s'en souvient. Entre deux joints, tu pourrais faire quelque chose. Entre deux joints, tu pourrais te grouiller le cul. Donc, cette impression que ces gens-là, finalement, se retirent des véritables... bataille que doit mener la société québécoise et vont vivre leur petit trip. Ouais, c'est ça, de décrocheurs. Vont faire leur petit trip à eux, à l'écart de ce qui devrait les interpeller au premier chef. Et cet apolitisme-là va être vertement critiqué par tous ceux qui participent de la vague nationaliste, notamment, mais aussi parmi d'autres, dont ceux de l'extrême gauche qui voient aussi les hippies comme des rêveurs. Mais il y a derrière ça quand même un militantisme. C'est un militantisme, on va dire, plus passif, moins agressif, moins organisé. Mais ces gens-là sont convaincus qu'ils font la révolution. Simplement, cette révolution commence par se changer soi-même. Et c'est simplement au moment où tu as réussi à faire le travail sur soi que tu peux ensuite de se revenir vers l'associé et à travers des micro-révolutions, là, des petits changements quotidiens, arriver tranquillement par osmose à modifier l'ordre social tout entier. Mais c'est intéressant de voir que ce jeune hippie qui décide de vivre un peu en marge, de refuser la société, les règles, les conventions de la société, ne fait pas que déranger le vieil oncle aux cheveux gris, mais dérange aussi ceux qui sont dans la bataille militante des années 60 et 70. Il y a à peu près trois choix, là, si je veux absolument caricaturer ce qui se passe en 1970. Il y a à peu près trois choix pour un jeune qui veut se passionner pour la chose publique. Il y a soit la révolution contre-culturelle, il y a soit la révolution de l'extrême droite incarnée par les marxistes-léninistes, par l'extrême gauche, pardon, incarnée par les marxistes-léninistes, ou encore il y a le bon vieux Parti québécois qui reprend les canaux traditionnels, mais en vue de faire l'indépendance du Québec. Et évidemment, ces gens-là sont à chien et à chat, ça se bataille pas mal, et il y a des grands débats de société pour savoir exactement quelle est la solution pour le Québec. Mais les contre-culturels sont convaincus qu'eux, ils font le bon choix. Oui. Que ce n'est pas en reproduisant les vieilles structures qu'on va finalement aboutir au monde rêvé de demain. Oui. On va simplement verser du vieux vin dans des autres neuves. Qui sont-ils, ces contre-culturels hippies? Ben, ils sont de tout acabit, de tout ordre, de tout type. Il y a plusieurs familles là-dedans. On parle des hippies, mais on peut parler, par exemple, des freaks. On peut parler des Jesus freaks, de ceux qui reprennent le hippisme à la sauce chrétienne. Il y a des gens qui vont se retirer dans des communes. Il y a des gens qui, au contraire, vont avoir une version un peu plus politique. On va l'appeler les hippies. Donc, une version plus politique, plus organisée, plus structurée du mouvement contre-culturel. C'est très, très, très vaste. Ça emporte pas mal de monde. Mais disons que si tous les jeunes ne sont pas hippies, et très loin de là, c'est simplement une minorité, il n'en reste pas moins que la vaste majorité des hippies sont jeunes, effectivement. Classe moyenne supérieure, je pense. Oui, bon, il n'y a pas d'études là-dessus pour le Québec, malheureusement, mais il y a des études qui ont été conduites sur les hippies aux États-Unis et oui, ils se recrutent davantage dans les classes aisées. C'est des gens qui souvent sont aux études ou en attente d'études et ils vont passer 5, 6, 7 ans de leur vie en gang, en petit groupe, ouais, avec des amis, à expérimenter plein de choses avant éventuellement, et ça va être la grande surprise de plusieurs, de réintégrer, ouais, l'ordre qu'ils avaient critiqué aussi farouchement. J'ai vu un titre en préparant cette émission qui allait à peu près comme suit, de hippie à yuppie. C'est ça qui en attendra plusieurs, effectivement. Comment ils vivent, cela dit, ces hippies dans les années 60-70? Quelle place occupe ce fameux trio sexe, drogue, rock'n'roll dans leur vie? Il y a généralement une adhésion quasi complète aux drogues pour des motifs mystiques, c'est-à-dire, enfin, pour la plupart religieux, magiques, pour des motifs chez certains d'insubordination, mais enfin, ce sont des motifs qui pour ma part, ne sont pas tellement valables. Quelle est l'importance de la drogue alors pour toi, par exemple? Pour moi, c'est un motif religieux, c'est un motif magique. Ça donne lieu à l'homme de se transgresser lui-même, puis de se limiter. De se découvrir aussi, mais ça, c'est le premier événement qui se produit. Et puis, ça recontexte un homme d'une façon très pure, donc forcément très asociale, puis très, très, très, très divine dans le sens de la spontanéité, de la naïveté. Aussi, l'homme redevient beaucoup plus primaire quant à ses émotions. Quelle place, quelle importance Jean-Philippe Warren va occuper la drogue, la consommation de drogue dans la culture hippie? Énorme, hein? C'est une place centrale avec évidemment l'amour libre et la musique rock and roll. Et c'est parce que ces trois ingrédients-là vont complètement à l'encontre du package deal offert par la société nord-américaine dans les années 50 et le début des années 60. Cette société nord-américaine dit, si vous travaillez fort, si vous faites votre petit 9 à 5, votre métro, boulot, dodo, et si vous épargnez convenablement, vous allez pouvoir avoir les richesses de notre civilisation, c'est-à-dire un bungalow, une femme, deux enfants et tout ce qui va avec. Les contre-culturels résistent à ça. Ils disent, non, ça, c'est pas le bonheur. Ça, au contraire, c'est un emmurement, c'est une aliénation. Il faut reprendre contact avec soi-même. Et pour ça, il faut briser l'éducation que l'on a reçue. Il faut briser la propagande qui nous submerge par la publicité ou encore par les organisations politiques. Il faut rompre avec tout ça et la drogue, l'amour libre et une musique déjantée vont nous permettre justement de transcender les clivages qui existent présentement, de reprendre contact avec soi et aussi avec tous les autres et même de communier, c'est ça la grande ambition, un peu folle, mais la grande ambition de communier avec tout le reste de l'univers, de faire un avec le cosmos. C'est pour ça que Raoul Duguay pouvait dire que tout est dans tout et tout est au bout. Et tout est au bout grâce à des substances, par exemple, comme le LSD qui arrive sur le marché québécois à la fin des années 60, grâce à la volonté de faire des expérimentations sexuelles de tout acabit, ouais, grâce aussi à la découverte de ce rock qui arrive vraiment sur la scène musicale québécoise en 1967 et 1968. Ouais. Faire éclater, encore une fois, on y revient, mais vraiment faire éclater toute forme de convention. On a parlé du Québec, on va en parler un peu plus longuement dans les minutes qui viennent. Marshall McLuhan va dire, effectivement, les Québécois forment un peuple de hippies. Le Québec tout entier, poursuivra-t-il, peut être considéré comme l'underground du Canada. Est-ce que c'est si fort ici par rapport à ce qui se passe ailleurs au Canada? Ah oui, c'est plus fort par rapport à partout, on pourrait dire presque sur la planète. Le Québec est un cas unique. Pourquoi? Parce que ailleurs, la contre-culture est en opposition avec la société dominante. La contre-culture, par exemple, aux États-Unis, passe pour un-American. Les hippies vont aller jusqu'à brûler des drapeaux étoilés. Ils vont vraiment refuser la guerre du Vietnam et ça va donner des clashs assez profonds. Tandis qu'au Québec, le Québec est déjà emporté par une vague qui vise à émanciper la société d'ici de l'ancien vêtement canadien-français. On a l'impression que, comme la chanson le dit, la Terre est à l'année zéro, qu'on peut rêver à refaire une société qui soit complètement libre, complètement égalitaire. Et donc, les contre-culturels d'ici peuvent plus facilement embrasser la transformation, j'allais quasiment dire la métamorphose de la société québécoise et participer du grand vent du changement. Et donc, effectivement, ici, plus que n'importe où ailleurs, il y a eu une parenté une espèce d'esprit de famille entre ceux qui voulaient bouleverser politiquement la société et les hippies. Ça se passe comment, justement? Parce qu'effectivement, cette volonté de changement au Québec français en tout cas, elle va beaucoup tourner autour dans ces années 60-70 du rêve d'un pays. Comment ça va se passer, les relations entre les partisans, les militants nationalistes, souverainistes et les hippies? Ben là, évidemment, il va y avoir des animosités parce que les nationalistes trouvent que les hippies se situent sur un horizon beaucoup trop planétaire et que les véritables luttes sont à mener ici et maintenant au Québec des années 60 et des années 70. Mais disons qu'il y a quand même une espèce de complicité qui existe et on pourrait pas imaginer ailleurs que monde sur scène pour célébrer l'identité québécoise, mais aussi en partie sur ce mouvement contre-culturel là, qui vit de manière sourde dans la société québécoise. Félix Leclerc, Robert Charlebois puis Gilles Vigneault. On pourrait pas s'imaginer qu'il y a une telle complicité qui fait en sorte que lorsqu'il y a le Salon des métiers d'art à Montréal, on sait plus trop ce qu'on célèbre. Est-ce qu'on célèbre vraiment l'identité québécoise? On célèbre l'artisanat et la contre-culture. Il y a vraiment des ponts souterrains implicites entre les hippies et ce qui se passe dans le reste de la société. Et ça, ça n'existe pas dans une telle mesure, ni au Canada anglais, ni aux États-Unis, ni en Angleterre, ni en France, ni en Allemagne, ni en Italie. La commune, on en a un petit peu parlé. C'est pas propre au Québec, remarquez. Je pense qu'en Californie aussi, les hippies prennent le chemin de la campagne. C'est quoi cette affaire-là? Comment on y vit? Qu'est-ce qui s'y passe? Ben, il y a plus de communes aux États-Unis qu'il y en a au Québec, ça c'est certain. Ça, c'est une des manifestations de la contre-culture, mais c'est pas mal plus difficile au Québec de fonder une ferme sur laquelle on peut vivre en autarcie ou prétendre vivre en autarcie qu'on a pu le faire dans certaines régions plus au sud, où l'agriculture ou la culture est pas mal plus aisée. D'autant plus que... Il y en aura quand même. Oui, il y en aura quelques-unes, d'autant plus qu'ici, les contre-culturels s'imaginent que se débarrasser du tracteur pour avoir un cheval, c'est pas mal plus facile. Ils vont s'apercevoir, malheureusement, assez rapidement qu'entretenir un cheval, c'est pas mal plus compliqué que remplir d'essence un tracteur ou de l'amener au garage. Et donc, il va y avoir vraiment des déceptions, des désillusions assez tragiques très, très rapidement. Ça dure relativement peu de temps dans l'histoire. C'est assez éphémère, ce mouvement-là, le mouvement hippie. Comment et pourquoi ça meurt? Il y a plusieurs causes, mais la première grande cause, on va dire, est économique. La contre-culture vivait dans une société ou émergeait dans une société qui n'avait jamais été aussi riche. On appelait ça les 30 glorieuses, 1945-1975. Mais avec la montée du chômage, avec le coût de la vie qui devient galopant, avec l'inflation, rapidement, cette possibilité de vivre pendant longtemps les idéaux de la contre-culture va être mise à mal. D'autant plus qu'au début des années 70, on ne demandait pas de grandes qualifications à un jeune qui arrivait à 25 ans sur le marché du travail ou à 30 ans sur le marché du travail. Et plus on avance avec les années, on arrive dans les années 80, plus on va demander un baccalauréat, une maîtrise, un doctorat. Et si on n'a pas les qualifications qui sont nécessaires, on se retrouve bien mal pris. Donc, on va apprendre assez vite à laisser de côté là, ces folies de jeunesse pour se brancher sur un monde qui, malheureusement, est davantage compétitif. Jean-Philippe Warren, professeur de sociologie et d'anthropologie à l'Université Concordia. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.